Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Como les decía, les había prometido, hoy estaremos con esta gran cantante francesa, Edith Piaf. Edith Piaf, nacida en París el 19 de diciembre de 1915, bajo el nombre de Edith Giovanni Gassion. Su padre era un acróbata y para celebrar su nacimiento se emborrachó y dejó a su madre, que era cantante ambulante, Annette Maylor, de origen italiana, sin apoyo, tuvo que enfrentar el parto sola. Salió a la calle por sus propios medios, pero no consiguió llegar al hospital. Y Edith nació en plena calle debajo de una farola frente al número 72 de la calle Belleville en París. Annette, al ser demasiado pobre como para poderla criar, a la pequeña Edith la confió a su madre. Ella, quien en vez de darle leche con biberón, la alimentaba con vino con la excusa de que así eliminaba los microbios. Después la entrega a su padre, quien está a punto de ir al frente en la Primera Guerra Mundial, lo que la lleva a dejar a la niña con la madre o abuela paterna, dueña de una casa de prostitución, donde la niña es criada por las prostitutas. Al final de la Primera Guerra, su padre vuelve al frente y la lleva consigo a vivir la vida de los artistas de los pequeños circos itinerantes. Luego del artista ambulante, independiente y miserable, Edith revela su talento y su excepcional voz en las canciones populares que canta en las calles junto a su padre, tal como su madre lo hacía en Mortmetre, Rue Beron. 18. Se encuentra el Hotel Clemon, donde residió Edith Piaf a los 14 años al separarse de su padre. Hace su propio camino como cantante en la Place Pigalle, Méline Montaigne, en los suburbios de París. Véase la canción El Frecuente de Rue Pigalle. En 1933, a los 17 años, se enamora de un chico en que él hacía recomendaciones o recados, con quien pudo después tener una hija. La niña se llamó Marcel, quien murió a la edad de 2 años de meningitis. Un poco trágica la vida de esta gran cantante. Luego firmó con Polydor y grabó su primer disco en el 36, Les Moments de la Cloche, Los Niños de la Campana. Ella la convirtió en un éxito mediático de forma inmediata, pero en abril de este año, Louis Leplay, el dueño de un cabaret en el cual se presentaba, es asesinado en su domicilio. Esto revela que él formaba parte de los bajos fondos del barrio parisino. En marzo del 36 debutó con el género de música hall en el Teatro ABC de París. Se convierte inmediatamente en una estrella de la canción francesa, adorada por el público, difundida por la radio. En el 40, Piaf triunfa en El Bovino, una pieza escrita especialmente para ella por este escritor y actor Jean Cocteau, llamado La Belle Indifférente, que interpreta con éxito junto al actor Paul Meurice. En el 41, Piaf interpreta la película Mortmetre sur de Seine, de Georges Lacombe. Durante el rodaje de este largometraje, Edith conoce a Henri Contet con Marguerite Monod. Se convertirá en uno de los autores fetiches durante la ocupación alemana. La cantante cambia su nombre artístico de la Mom Piaf con el de Edith Piaf y continúa dando conciertos sin ceder a la ocupación nazi. Ella interpreta canciones con un doble sentido, evocando la resistencia cuando interpreta Tu te es pour tu, es la alude a la traición de un amante en este periodo tan difícil para todos los habitantes de París. Ya sabemos que los habían invadido los nazis. La Piaf se erige como protectora de los artistas judíos perseguidos por las autoridades alemanas. Durante la guerra, Edith Piaf cantaba en los clubes, music halls y ayudaba a los prisioneros a escapar. Esta es una pequeña historia de este background de esta gran cantante francesa. Esta primera canción, dos cantantes franceses y ella, y se llamaban Les Trois Clochers, o de traducción en español, Las Tres Campanas. Y la, yo, fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré, voici quand la nuit étoilée. Jean-François Nico, il se nomme, il est jour plus tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain il sera malin. Une cloche sonne sonne, sa voix d'écho en écho. Au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection dans ton amour. Loin des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, qu'avant et moi le Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de palmier, devant Dieu. Une pure flamme s'élève qui proclame la grandeur de votre amour. Este siguiente tema se llama C'était une histoire d'amour. Come on, boy.

Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer, c'est physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de gagner ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrêtez! Arrêtez la musique! Ahora estamos con este otro tema, Je suis mordu. Quand les copines parlant de mon petit homme disent « Oh, ce qu'il est laid !» Il est tatoué, rudé comme une vieille pomme. Il n'a rien qui plaît. Que je me bidonne avec toute leur salade. Bon, barre-moi la noix. Qu'est-ce que je peux rendre au reine de la parade? Puis ben je prends le tiroir. S'il est simple, s'il a l'air d'un fauché, en douce comme qu'il vous fait gâcher. Avec sa face blême, son col café crème. Quand il me dit je t'aime, je suis mordu. Ses grandes patates blanches, son corps qui se déhanche, tout au dit la planche, je suis mordu. Qu'il connaît pas le propre ou un bon apôtre, il sait si bien faire meilleur que les autres. Si je lui fais un van avec cette tête, alors comment qu'il me dépanne, je suis mordu. Si on lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, il en répond froidement. Je suis chômeur, je mange mes économies, c'est n'importe vraiment. Puis il exhibe sa carte de chômage, et plaît d'ajouter. Ça me sert en plus près de certains personnages, carte d'identité. Puis sortant sa photo, il s'écrit oh, y'a rien de mieux, on te fera maîtrise. Avec sa face blême, son col café crème, quand il me dit je t'aime, puis mordu. Toujours il me resquille, il me prend pour une bille, mais je suis une bonne fille, puis mordu. Au billard russe, chaque soir il s'exerce. Ou bien dit-il faire marcher le commerce. Il peut tout me faire, c'est là mon affaire. Mais y'a rien à faire, je suis mordu. J'en suis sûr, à moi qui claque, avant moi, ça me rassure. Ah, c'est un phénomène, je suis faite comme une reine, mais dès qu'il s'amène, je suis mordue. Seguiremos con Sens en Penser. Écoutons mon amant, l'air que ce mendiant chante dans la rue. C'est sur cet air vois-tu que tu m'es apparu. C'était au bal musette, mon allure honnête t'avait plu, je crois. Tu t'es avancé vers moi. Tu m'as dit, voulez-vous danser? J'ai dit oui, presque sans y penser. Je sentais contre moi ton bras souple et fort. Et j'ai tourné longtemps tout contre ton corps. La musique a soudain chanté. Tu m'as dit, on va recommencer. Alors pour être encore contre toi bercé, j'ai dit oui, en principe. Et puis en moins de rien, comme de vieux copains, sans raison ni cause, sans le faire à la pause, on s'est dit des tas de choses. On a parlé longtemps, toujours en dansant dans le bruit des voix. Puis tu t'es penché vers moi. Tu m'as dit, voulez-vous m'aimer? J'ai dit oui, presque sans y penser. Je sentais seulement, je ne sais pourquoi, que tout vois-tu, oui, tout était déjà toi. Je restais près de toi, charmé. Je ne pouvais plus rien exprimer. C'est quand tout simplement tu m'as dit, venez. J'ai dit oui, sans précipiter. Ce fut ta chambre sombre, nous étions deux ombres dans la nuit immense. Restait là sans défense, en toi j'avais confiance. J'ai senti dans mon cœur que l'amour vainqueur nous dictait sa loi. Tu m'as serré contre toi. Tu m'as dit, là tu n'as rien. Je n'ai donc pas même eu à dire oui. Comme fiançailles, on peut le dire, ce fut un peu court. Mais quoi, l'amour, le vrai commence par l'amour. Et depuis ce soir-là, ma vie est un bal qui n'est jamais fini. Et je tremble en pensant qu'il a commencé. Ahora vamos con Van Denzer. En fauchant les blés, on crevait de soif dans la plaine. Le cœur en feu, je suis allée boire à plat ventre à la fontaine. L'eau froide m'a glacé les sangs, et je meurs par ce temps d'automne où l'on danse devant la tonne durant les beaux jours finissants. J'entends les violons. Marie, ma petite que j'aimais bien, moi je n'ai plus besoin de rien, va-t'en danser à la prairie. J'entends les violons, Marie. Entre dans la ronde gaiement et choisis un beau gars dans la ronde et donne-lui ton cœur aimant qui resterait seul en ce monde. Oui, j'étais jalouse cet été, quand un autre t'avait suivi. Mais on ne comprend bien la vie que sur le point de la quitter. J'entends les violons, Marie. Va, petite, que j'aime bien, moi je n'ai plus besoin de rien. Va t'en danser à la prairie. J'entends les violons, Marie. Et plus tard tu te marieras, et quand la moisson sera haute, avec ton maman rue de bras, moissonnant un jour côte à côte, vous viendrez peut-être à parler, ému de pitié, gravé sombre, d'un gars qui mourut en octobre, d'un mal prison au Champs-Élysées. J'entends les violons, Marie. Va, petite, que j'aime bien, moi je n'ai plus besoin de rien. Va-t'en danser à la prairie. J'entends les violons, Marie. Y este gran tema que se llama Les Deux Ménétriers. Je vous sens mort, sans sceller, sans étrier, par le royaume des morts, contre plein de ménétriers. Ils vont un galop d'enfer, tout en raclant leur crin-crin, avec des arches de fer, ayant des chevaux pour gras. Au fracas des durs sabots, au rire des violons, les morts sortent des tombeaux, dans son cabriolet. Les trépassés joyeux suivent par bons essoufflants, avec une flamme aux yeux, rouge dans leur crâne blanc. Et les blancs ménétriers, sur leurs noirs chevaux sans mort, font halte. Et voici comment parlent les ménétriers. Le premier dit d'une voix sonnant comme un tympanon, voulez-vous vivre de voix, venez la vie à mon nom. Et tous ceux, même les plus gueux, qui de rien n'avaient joui, tous s'en venaient leur fougueux. Les morts ont répondu oui. Alors l'autre d'une voix, qui soupirait comme un corps, leur dit pour vivre de voix, il vous faut aimer encore. Aimez donc, enlacez-vous, venez, l'amour est mon nom, mais tous, même... Esto es Boyacá, 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo, 106.6. Los espero la otra semana con otro de estos grandes temas del jazz. Gracias a los grandes amantes del jazz. Sur leurs noirs chevaux.